Au lac, écrit et narré par Mia alias Miyakusei. Au lac, je vois ma petite amie Ayanami-chan en train de nourrir des canards sauvages et je la rejoins pour faire la même chose.